les demoiselles aiment à se retrouver près de la source bleue, l'endroit le plus sûr pour des confidences de fées. L'endroit le plus secret, où seuls les oiseaux les interpellent. L'endroit le plus paisible de toute la forêt, où seules les abeilles se posent près d'elles. Cirella vient de l'océan tout proche. Ombeline, d'un lac voisin. Azuriane a quitté sa colline ombragée et Annabelle s'est éloignée des sous-bois de l'autre côté du chemin. Entre la source et les cimes, dans l'éclair obscur des sous-bois, quatre silhouettes se dessinent et s'effacent quand le ciel rougeoie. Dans le sillage des quatre fées, le moindre brin d'herbe frémit, perle du matin, perle de rosée, toute la forêt. Quand le ciel rougeoie.